Bon, inshallah ni ma ko enregistré dina ko yonne pa Aline su fekkente ni mom amna produit yu nga xamanteni gis na ni dina ko meuna jaay tamit mu ñew jël ci ko ci yow mais force tamit nga top ko su fekkente ni dafa jël dara lool non mu verser ko de telle sorte que yonne bi ni parce que yonne bi ni dafa am xaliss jamburu ci dugg de telle sorte que légui lu ngeen jaay rek da ngeen di génnee li nga xamante ni moom mooy prix bi ñu bi ma wax ni masala ni loolu la dikkee prix boobu ngeen génne ko ndaa di koy teg de côté pour après man ma mën koo jéem a récupérer xool li nga xam moom laa ci moom ak lu ma ci moomul li nga xam moom mooy bénéfice yi comme li nga xamante ni noonu lañ waxante woon aussi junj naa ko ci lu weesu que ni yenn produit yi fa doon lu nga xamante ni xaw na bëri ngay xool noo koy éculé placé ko ci yeneen place yi en gros ñoo koy jaay en gros affaire yu demee noonu aussi dépenses yi nga xamante ni moom nga ciy dépensé moom mooy li nga xamante ni moom mooy ni ñu koy wax tete masalan lu jëm ci taxi bi pour dem jëli bagage yi ak aussi yeneen bouteille yi ngay jënd pour chargé koog yi demee noonu yooyu yëpp da ngay xool noo koy dugalee ci prix yi ngay jaayee yow ngay xool noo koy dugalee ci prix yi ngay jaayee comme masalan parfum bi gramme bi mi ngi ñu dikkee 70 léegi boo jëndee bouteille bi masalan juróomi dërëm fexe bouteille boobu noonu nga dugal ko ci li nga xamante ni moom mooy li ngay jaayee parfum bi barakallahu fik wasalaamu alayhi wa sallam ñu ngi jégal bu baax nag ñàkk jot moo tax tooguñu pour bind après yónnee la ko noonu mu gën a yomb mais insha allah beneen yoon dinañ ci xerf gis ne la aussi mën nga jagleel benn kaye bu nga xamante ni mbir yi nga xamante ni moom lañuy laaj foofu nga koy bind de côté wala mbir yi nga xamante ni moom moo gën a dem ci produit yi yëpp affaire yi nga xam moo gën a dem nga koy bind de côté pour après insha allah ñu xool nu ñuy def pour augmenter ko jazakumullahu khairan salaamaaleykum wa rahmatullah.